Chapitre 30. Milady. D'Artagnan avait suivi Milady sans être aperçu par elle. Il la vit monter dans son carrosse et il l'entendit donner à son cocher l'ordre d'aller à Saint-Germain. Il était inutile d'essayer de suivre à pied une voiture emportée au trot de deux vigoureux chevaux. D'Artagnan revint donc rue Férou. Dans la rue de Seine, il rencontra Planchet qui était arrêté devant la boutique d'un pâtissier et qui semblait en extase devant une brioche de la forme la plus appétissante. Il lui donna l'ordre d'aller seller les deux chevaux dans les écuries de M. de Tréville, un pour lui, D'Artagnan, l'autre pour lui, Planchet, et de venir le joindre chez Athos. M. de Tréville, une fois pour toutes, ayant mis ses écuries au service de D'Artagnan. Planchet s'achemina vers la rue du Colombier et D'Artagnan vers la rue Férou. Athos était chez lui, vidant tristement une des bouteilles de ce fameux vin d'Espagne qu'il avait rapporté de son voyage en Picardie. Il fit signe à Grimaud d'apporter un verre pour D'Artagnan, et Grimaud obéit comme d'habitude. D'Artagnan raconta alors à Athos tout ce qui s'était passé à l'église entre Porthos et la procureuse, et comment leur camarade était probablement à 7 heures en voie de s'équiper. « Quant à moi, répondit Athos à tout ce récit, je suis bien tranquille, ce ne seront pas les femmes qui feront les frais de mon harnais. Et cependant, beau poli, grand seigneur comme vous l'êtes, mon cher Athos, il n'y aurait ni princesse ni reine à l'abri de vos traits amoureux. Que ce D'Artagnan est jeune, dit Athos en haussant les épaules. Et il fit signe à Grimaud d'apporter une seconde bouteille. En ce moment, Planchet passa modestement la tête par la porte entrebâillée et annonça à son maître que les deux chevaux étaient là. Quels chevaux ? Demanda Athos. Deux que Monsieur de Tréville me prête pour la promenade et avec lesquels je vais aller faire un tour à Saint-Germain. Et qu'allez-vous faire à Saint-Germain ? Demanda encore Athos. Alors D'Artagnan lui raconta la rencontre qu'il avait faite dans l'église et comment il avait retrouvé cette femme qui, avec le seigneur au manteau noir et à la cicatrice près de la tempe, était sa préoccupation éternelle. « C'est-à-dire que vous êtes amoureux de celle-là, comme vous l'étiez de Madame Bonacieux ?» dit Athos en haussant dédaigneusement les épaules, comme s'il eût pris en pitié la faiblesse humaine. « Moi ? Point du tout !» s'écria D'Artagnan. « Je suis seulement curieux d'éclaircir le mystère auquel elle se rattache. » Je ne sais pas pourquoi je me figure que cette femme, tout inconnue qu'elle m'est et tout inconnue que je lui suis, a une action sur ma vie. Au fait, vous avez raison, dit Athos. Je ne connais pas une femme qui vaille la peine qu'on la cherche quand elle est perdue. Madame Bonacieux est perdue. Tant pis pour elle qu'elle se retrouve. Non, Athos, non. Vous vous trompez, dit D'Artagnan. J'aime ma pauvre Constance plus que jamais. Et si je savais le lieu où elle est, fût-elle au bout du monde, je partirais pour la tirer des mains de ses ennemis. Mais je l'ignore. Toutes mes recherches ont été inutiles. Que voulez-vous ? Il faut bien se distraire. Distrayez-vous donc avec Milady, mon cher D'Artagnan. Je le souhaite de tout mon cœur si cela peut vous amuser. Écoutez Athos, dit D'Artagnan. Au lieu de vous tenir enfermé ici comme si vous étiez aux arrêts, montez à cheval et venez vous promener avec moi à Saint-Germain. Mon cher, répliqua Athos, je monte mes chevaux quand j'en ai, sinon je vais à pied. « Eh bien, moi, répondit D'Artagnan en souriant de la misanthropie d'Athos, qui, dans un autre, l'eût certainement blessé, « moi, je suis moins fier que vous, je monte ce que je trouve. Ainsi, au revoir, mon cher Athos. »« Au revoir, dit le mousquetaire en faisant signe à Grimaud de déboucher la bouteille qu'il venait d'apporter. » D'Artagnan et Planchet se mirent en selle et prirent le chemin de Saint-Germain. Tout le long de la route, ce qu'Athos avait dit au jeune homme de Madame Bonacieux lui revenait à l'esprit. Quoique D'Artagnan ne fût pas d'un caractère fort sentimental, la jolie mercière avait fait une impression réelle sur son cœur. Comme il le disait, il était prêt à aller au bout du monde pour la chercher. Mais le monde a bien des bouts par cela même qu'il est rond, de sorte qu'il ne savait pas de quel côté se tourner. En attendant, il allait tâcher de savoir ce que c'était que Milady. Milady avait parlé à l'homme au manteau noir, donc elle le connaissait. Or, dans l'esprit de D'Artagnan, c'était l'homme au manteau noir qui avait enlevé Madame Bonacieux une seconde fois, comme il avait enlevé une première. D'Artagnan ne mentait donc qu'à moitié, ce qui était bien peu mentir, quand il disait qu'en se mettant à la recherche de Milady, il se mettait en même temps à la recherche de Constance. Tout en songeant ainsi et en donnant de temps en temps un coup d'éperon à son cheval, D'Artagnan avait fait la route et était arrivé à Saint-Germain. Il venait de longer le pavillon où, 10 ans plus tard, devait naître Louis XIV. Il traversait une rue fort déserte, regardant à droite et à gauche s'il ne rencontrait pas quelques vestiges de sa belle anglaise, lorsqu'au rez-de-chaussée d'une jolie maison, qui selon l'usage du temps n'avait aucune fenêtre sur la rue, il vit apparaître une figure de connaissance. Cette figure se promenait sur une sorte de terrasse garnie de fleurs. Planchet la reconnut le premier. « Hé, monsieur, dit-il, s'adressant à D'Artagnan, ne vous remettez-vous pas ce visage qui baille aux corneilles ?»« Non, dit D'Artagnan, et cependant je suis certain que ce n'est pas la première fois que je le vois, ce visage. » « Je le crois, par Dieu bien, dit Planchet, c'est ce pauvre Lubin, le laquais du comte de Wardes, celui que vous avez si bien accommodé il y a un mois à Calais, sur la route de la maison de campagne du gouverneur. » « Ah oui, bien, dit D'Artagnan, et je le reconnais à cette heure, crois-tu qu'il te reconnaisse, toi ?»« Ma foi, monsieur, il était si fort troublé que je doute qu'il ait gardé de moi une mémoire bien nette. » « Eh bien, va donc causer avec ce garçon, dit D'Artagnan, et informe-toi dans la conversation si son maître est mort. » Planchet descendit de cheval, marcha droit à Lubin, qui en effet ne le reconnut pas, et les deux laquais se mirent à causer dans la meilleure intelligence du monde, tandis que D'Artagnan poussait les deux chevaux dans une ruelle et, faisant le tour d'une maison, s'en revenait assister à la conférence derrière une haie de coudriers. Au bout d'un instant d'observation derrière la haie, il entendit le bruit d'une voiture et il vit s'arrêter en face de lui le carrosse de Milady. Il n'y avait pas à s'y tromper. Milady était dedans. D'Artagnan se coucha sur le cou de son cheval afin de tout voir sans être vu. Milady sortit sa charmante tête blonde par la portière et donna des ordres à sa femme de chambre. Cette dernière, jolie fille de 20 à 22 ans, alerte et vive, véritable soubrette de grande dame, sauta en bas du marchepied sur lequel elle était assise selon l'usage du temps et se dirigea vers la terrasse où D'Artagnan avait aperçu Lubin. D'Artagnan suivit la soubrette des yeux et la vit s'acheminer vers la terrasse. Mais par hasard, un ordre de l'intérieur avait appelé Lubin, de sorte que Planchet était resté seul, regardant de tous côtés par quel chemin avait disparu D'Artagnan. La femme de chambre s'approcha de Planchet, qu'elle prit pour Lubin, et lui tendant un petit billet. « Pour votre maître, dit-elle. »« Pour mon maître, reprit Planchet, étonné. »« Oui, et très pressé, prenez donc vite. » Là-dessus, elle s'enfuit vers le carrosse, retourné à l'avance du côté par lequel il était venu. Elle s'élança sur le marchepied, le carrosse repartit. Planchet tourna et retourna le billet, puis, accoutumé à l'obéissance passive, il sauta à bas de la terrasse, enfila la ruelle et rencontra au bout de 20 pas D'Artagnan qui, ayant tout vu, allait au-devant de lui. « Pour vous, monsieur, dit Planchet, présentant le billet au jeune homme. »« Pour moi, dit D'Artagnan. En es-tu bien sûr ?»« Pardieu, si j'en suis sûr, la soubrette a dit pour ton maître. Je n'ai d'autre maître que vous, ainsi. Jolie brin de fille, ma foi, que cette soubrette. » D'Artagnan ouvrit la lettre et lut ces mots. « Une personne qui s'intéresse à vous plus qu'elle ne peut le dire... « Voudrais savoir quel jour vous serez en état de vous promener dans la forêt. Demain, à l'hôtel du Champ du Drap d'Or, un laquais noir et rouge attendra votre réponse. »« Oh oh !» se dit D'Artagnan. « Voilà qui est un peu vif. Il paraît que Milady et moi, nous sommes en peine de la santé de la même personne. Eh bien, Planchet, comment se porte ce bon monsieur de Wardes ? Il n'est donc pas mort ?»« Non, monsieur, il va aussi bien qu'on peut aller avec 4 coups d'épée dans le corps, car vous lui en avez sans reproche allongé 4. » à ce cher gentilhomme, et il est encore bien faible, ayant perdu presque tout son sang. Comme je l'avais dit à monsieur, Lubin ne m'a pas reconnu et m'a raconté d'un bout à l'autre notre aventure. Fort bien, Planchet, tu es le roi des laquais. Maintenant, remonte à cheval et rattrapons le carrosse. Ce ne fut pas long. Au bout de 5 minutes, on aperçut le carrosse arrêté sur le revers de la route. Un cavalier richement vêtu se tenait à la portière. La conversation entre Milady et le cavalier était tellement animée que D'Artagnan s'arrêta de l'autre côté du carrosse sans que personne autre que la jolie soubrette s'aperçût de sa présence. La conversation avait lieu en anglais, langue que D'Artagnan ne comprenait pas, mais à l'accent, le jeune homme crut deviner que la belle anglaise était fort en colère. Elle termina par un geste qui ne lui laissa point de doute sur la nature de cette conversation. C'était un coup d'éventail appliqué de telle force que le petit meuble féminin vola en 1000 morceaux. Le cavalier poussa un éclat de rire qui parut exaspérer Milady. D'Artagnan pensa que c'était le moment d'intervenir. Il s'approcha de l'autre portière et, se découvrant respectueusement, « Madame, dit-il, me permettez-vous de vous offrir mes services ? Il me semble que ce cavalier vous a mis en colère. Dites un mot, madame, et je me charge de le punir de son manque de courtoisie. » Aux premières paroles, Milady s'était retournée, regardant le jeune homme avec étonnement. Et lorsqu'il eut fini, « Monsieur, dit-elle en très bon français, ce serait de grand cœur que je me mettrais sous votre protection si la personne qui me querelle n'était point mon frère. Ah ! Excusez-moi alors, dit d'Artagnan. Vous comprenez que j'ignorais cela, madame. De quoi donc se mêle cet étourneau ? S'écria en s'abaissant à la hauteur de la portière le cavalier que Milady avait désigné comme son parent. Et pourquoi ne passe-t-il pas son chemin ? Étourneau vous-même, dit d'Artagnan en se baissant à son tour sur le cou de son cheval et en répondant de son côté par la portière. Je ne passe pas mon chemin parce qu'il me plaît de m'arrêter ici. Le cavalier adressa quelques mots en anglais à sa sœur. Je vous parle français, moi, dit d'Artagnan. Faites-moi donc, je vous prie, le plaisir de me répondre dans la même langue. Vous êtes le frère de madame, soit, mais vous n'êtes pas le mien, heureusement. On eût pu croire que Milady, craintive comme l'est ordinairement une femme, allait s'interposer dans ce commencement de provocation afin d'empêcher que la querelle n'allât plus loin, mais tout au contraire, elle se rejeta au fond de son carrosse et cria froidement au cocher « Touche à l'hôtel !» La jolie soubrette jeta un regard d'inquiétude sur d'Artagnan, dont la bonne mine paraissait avoir produit son effet sur elle. Le carrosse partit et laissa les deux hommes en face l'un de l'autre. Aucun obstacle matériel ne les séparant plus. Le cavalier fit un mouvement pour suivre la voiture, mais d'Artagnan, dont la colère déjà bouillante s'était encore augmentée en reconnaissant en lui l'Anglais qui, à Amiens, lui avait gagné son cheval et avait failli gagner à Athos son diamant, sauta à la bride et l'arrêta. « Eh, monsieur, dit-il, vous me semblez encore plus étourneau que moi, car vous me faites l'effet d'oublier qu'il y a entre nous une petite querelle engagée. »« Ah ah, dit l'Anglais, c'est vous, mon maître. Il faut donc toujours que vous jouiez un jeu ou un autre. »« Oui, et cela me rappelle que j'ai une revanche à prendre. Nous verrons, mon cher monsieur, si vous maniez aussi adroitement la rapière que le cornet. »« Vous voyez bien que je n'ai pas d'épée, dit l'Anglais. Voulez-vous faire le brave contre un homme sans armes ?» « J'espère bien que vous en avez chez vous, » répondit d'Artagnan. « En tout cas, j'en ai deux, et si vous le voulez, je vous en jouerai une. »« Inutile, » dit l'Anglais. « Je suis muni suffisamment de ces sortes d'ustensiles. »« Eh bien, mon digne gentilhomme, » reprit d'Artagnan, « choisissez la plus longue et venez me la montrer ce soir. »« Où cela, s'il vous plaît ?»« Derrière le Luxembourg, c'est un charmant quartier pour les promenades dans le genre de celles que je vous propose. »« C'est bien, on y sera. »« Votre heure ?»« 6 heures ?» À propos, vous avez aussi probablement un ou deux amis. Mais j'en ai 3 qui seront fort honorés de jouer la même partie que moi. 3 ? À merveille ! Comme cela se rend compte, dit d'Artagnan. C'est juste mon compte. Maintenant, qui êtes-vous ? Demanda l'Anglais. Je suis Monsieur d'Artagnan, gentilhomme gascon, servant aux gardes de compagnie de Monsieur des Essarts. Et vous ? Moi, je suis Lord de Winter, baron de Sheffield. Eh bien, je suis votre serviteur, monsieur le baron, dit d'Artagnan, quoique vous ayez des noms bien difficiles à retenir. Et piquant son cheval, il le mit au galop et reprit le chemin de Paris. Comme il avait l'habitude de le faire en pareille occasion, d'Artagnan descendit droit chez Athos. Il trouva Athos couché sur un grand canapé où il attendait, comme il l'avait dit, que son équipement le vînt trouver. Il raconta à Athos tout ce qui venait de se passer, moins la lettre de monsieur de Wardes. Athos fut enchanté lorsqu'il sut qu'il allait se battre contre un Anglais. Nous avons dit que c'était son rêve. On envoya chercher à l'instant même Porthos et Aramis par les laquais et on les mit au courant de la situation. Porthos tira son épée hors du fourreau et se mit à espanauder contre le mur en se reculant de temps en temps et en faisant des pliés comme un danseur. Aramis, qui travaillait toujours à son poème, s'enferma dans le cabinet d'Athos et pria qu'on ne le dérangeât plus qu'au moment de dégainer. Athos demanda par signe à Grimaud une bouteille. Quant à d'Artagnan, il arrangea en lui-même un petit plan dont nous verrons plus tard l'exécution et qui lui promettait quelques gracieuses aventures, comme on pouvait le voir au sourire qui, de temps en temps, passait sur son visage dont ils éclairaient la rêverie. Chapitre 31 Anglais et Français. L'heure venue, on se rendit avec les 4 laquais derrière le Luxembourg, dans un enclos abandonné aux chèvres. Athos donna une pièce de monnaie au chèvrier pour qu'il s'écartât. Les laquais furent chargés de faire sentinelle. Bientôt, une troupe silencieuse s'approcha du même enclos, y pénétra et joignit les mousquetaires. Puis, selon les habitudes d'outre-mer, les présentations eurent lieu. Les Anglais étaient tous gens de la plus haute qualité. Les noms bizarres de leurs adversaires furent donc pour eux un sujet non seulement de surprise, mais encore d'inquiétude. « Mais avec tout cela, dit Lord de Winter, quand les 3 amis eurent été nommés, nous ne savons pas qui vous êtes et nous ne nous battrons pas avec des noms pareils. Ce sont des noms de bergers, cela. » Aussi, comme vous le supposez bien, Milord, ce sont de faux noms, dit Athos. « Ce qui ne nous donne plus qu'un grand désir de connaître les noms véritables, répondit l'Anglais. »

Le procureur avait sans doute été prévenu de cette visite, car il ne témoigna aucune surprise à la vue de Porthos qui s'avança jusqu'à lui d'un air assez dégagé et le salua courtoisement. « Nous sommes cousins, ce qu'il paraît, monsieur Porthos, » dit le procureur en se soulevant à la force des bras sur son fauteuil de canne. « Monsieur, notre cousin, avant son départ pour la campagne, nous fera bien la grâce de dîner une fois avec nous, n'est-ce pas, madame Coquenard ?» Bientôt l'heure du dîner arriva. Porthos mangea timidement son aile de poule et frémit lorsqu'il sentit sous la table le genou de la procureuse qui venait trouver le sien. Il but aussi un demi-verre de ce vin fort ménagé et qu'il reconnut pour cette horrible crue de Montreuil, la terreur des palais exercée. Puis tout haut, « Merci ma cousine, dit-il, je n'ai plus faim. » Maître Coquenard, après les délices d'un pareil repas, qu'il appelait un excès, éprouva le besoin de faire sa sieste. Porthos espérait que la chose aurait eu lieu séance tenante et dans la totalité même. Mais le procureur maudit ne voulut entendre à rien. Il fallut le conduire dans sa chambre et il cria tant qu'il ne fut pas devant son armoire, sur le rebord de laquelle, pour plus de précaution encore, il posa ses pieds. La procureuse emmena Porthos dans une chambre voisine et l'on commença de poser les bases de la réconciliation. « Vous pouvez venir dîner 3 fois la semaine, » dit madame Coquenard. « Merci, » dit Porthos, « je n'aime pas à abuser. D'ailleurs, il faut que je songe à mon équipement. » « C'est vrai, » dit la procureuse en gémissant, « c'est ce malheureux équipement. »« Hélas, oui, » dit Porthos, « c'est lui. » Et le résultat de la scène fut que la procureuse demanderait à son mari un prêt de 800 livres en argent et fournirait le cheval et le mulet qui auraient l'honneur de porter à la gloire Porthos et Mousqueton. Ses conditions arrêtées et les intérêts stipulés ainsi que l'époque du remboursement, Porthos prit congé de madame Coquenard. Celle-ci voulait bien le retenir en lui faisant les yeux doux, mais Porthos prétexta les exigences du service et il fallut que la procureuse cédât le pas au roi. Le mousquetaire rentra chez lui avec une faim de fort mauvaise humeur. Chapitre 33 Soubrette et maîtresse. Cependant, comme nous l'avons dit, malgré les cris de sa conscience et les sages conseils d'Athos, d'Artagnan devenait d'heure en heure plus amoureux de Milady. Aussi ne manquait-il pas tous les jours d'aller lui faire la cour. Un soir, qu'il arrivait le nez au vent, il rencontra la soubrette sous la porte cochère. « Je voudrais bien vous dire 2 mots, monsieur le chevalier, » balbutia la soubrette. « Parle, mon enfant, parle, » dit d'Artagnan. « J'écoute. »« Alors venez. » Et Ketty l'entraîna dans un petit escalier sombre et tournant, et après lui avoir fait monter 15 marches, ouvrit une porte. « Entrez, monsieur le chevalier, » dit-elle. « Et quelle est donc cette chambre, ma belle enfant ?» demanda d'Artagnan. « C'est la mienne, monsieur le chevalier. Elle communique avec celle de ma maîtresse par cette porte. « Vous aimez donc bien ma maîtresse, monsieur le chevalier, » dit-elle. « Oh, plus que je ne puis dire. J'en suis fou. » Ketty poussa un second soupir. « Hélas, monsieur, » dit-elle, « c'est bien dommage. »« Et que diable vois-tu donc là de si fâcheux ?» demanda d'Artagnan. « C'est que, monsieur, » reprit Ketty, « ma maîtresse ne vous aime pas du tout. » Et Ketty tira de sa poitrine un petit billet. « Pour moi, » dit d'Artagnan en s'emparant vivement de la lettre, « non, pour un autre. »« Pour un autre ?»« Oui. »« Son nom. »« Son nom !» s'écria d'Artagnan. « Voyez l'adresse. » Monsieur le comte de Wardes. Le souvenir de la scène de Saint-Germain se présenta aussitôt à l'esprit du présomptueux Gascon. Par un mouvement rapide comme la pensée, il déchira l'enveloppe malgré le cri que poussa Ketty en voyant ce qu'il allait faire, ou plutôt ce qu'il faisait. « Vous n'avez pas répondu à mon premier billet. Êtes-vous donc souffrant? Ou bien auriez-vous oublié quels yeux vous me fîtes au bal de madame de Guise? Voici l'occasion, comte. Ne la laissez pas échapper. » D'Artagnan pâlit. Il était blessé dans son amour-propre. Il se crut blessé dans son amour. « Pauvre cher monsieur d'Artagnan, » dit Ketty d'une voix pleine de compassion et en serrant de nouveau la main du jeune homme. « Je voudrais triompher d'elle, supplanter mon rival. Je ne vous aiderai jamais à cela, monsieur le chevalier, » dit vivement Ketty. « Et pourquoi cela ?» demanda d'Artagnan. « Pour 2 raisons. Lesquelles ? La première, c'est que jamais ma maîtresse ne vous aimera. Qu'en sais-tu ? Vous l'avez blessée au cœur. Parle, je t'en prie. Je n'avouerai jamais cela qu'à l'homme, qui lirait jusqu'au fond de mon âme. « Katie, dit-il, je lirai jusqu'au fond de ton âme quand tu voudras qu'à cela ne tienne, ma chère enfant. » Et il lui donna un baiser sous lequel la pauvre enfant devint rouge comme une cerise. « La seconde raison, monsieur le chevalier, reprit Katie enhardie par le baiser, c'est qu'en amour, chacun pour soi. » Alors seulement D'Artagnan se rappela les coups d'œil languissants de Katie. Notre Gascon vit d'un seul coup d'œil tout le parti qu'on pouvait tirer de cet amour que Katie venait d'avouer. Interception des lettres adressées au comte de Ward, intelligence dans la place, entrée à toute heure dans la chambre de Katy. « Eh bien, dit-il à la jeune fille, veux-tu, ma chère Katy, que je te donne une preuve de cet amour dont tu doutes? Veux-tu que ce soir je passe avec toi le temps que je passe ordinairement avec ta maîtresse? Oh oui, dit Katy en battant des mains, bien volontiers. Eh bien, ma chère enfant, dit D'Artagnan en s'établissant dans un fauteuil, viens ça que je te dise que tu es la plus jolie soubrette que j'ai jamais vue. » Et il le dit tant et si bien que la pauvre enfant, qui ne demandait pas mieux que de le croire, le crut. Minuit sonna, et l'on entendit presque en même temps retentir la sonnette dans la chambre de Milady. « Grand Dieu !» s'écria Katie, « voici ma maîtresse qui m'appelle. Partez, partez vite !» D'Artagnan se leva, prit son chapeau comme s'il avait l'intention d'obéir. Puis, ouvrant vivement la porte d'une grande armoire au lieu d'ouvrir celle de l'escalier, il se blottit dedans au milieu des robes et des peignoirs de Milady. « Eh bien, dit Milady !» « Je n'ai pas vu notre Gascon ce soir. »« Comment, madame, dit Katie, il n'est pas venu? Serait-il volage avant d'être heureux? »« Oh non, je m'y connais, Katie, et je le tiens, celui-là. »« Qu'en fera, madame? »« Ce que j'en ferai. Sois tranquille, Katie. Il y a entre cet homme et moi une chose qu'il ignore. Il a manqué me faire perdre mon crédit auprès de son éminence. Oh, je me vengerai. »« Je croyais que madame l'aimait. »« Moi l'aimer ? » Je le déteste. Un niais qui tient la vie de Lord de Winter entre ses mains et qui ne le tue pas, et qui me fait perdre 300 000 livres de rente. C'est vrai, dit Katie. Votre fils était le seul héritier de son oncle, et jusqu'à sa majorité, vous auriez eu la jouissance de sa fortune. Aussi, continua Milady, je me serais déjà vengée sur lui-même, si je ne sais pas pourquoi le cardinal ne m'avait recommandé de le ménager. Ah oui. Mais madame n'a point ménagé cette petite femme qu'il aimait. Oh, la mercière de la rue des Fossoyeurs! Est-ce qu'il n'a pas déjà oublié qu'elle existait? La belle vengeance, ma foi. Une sueur froide coulait sur le front de D'Artagnan. C'était donc un monstre que cette femme. D'Artagnan entendit la porte qui se refermait. Katie donna à la serrure un tour de clé. D'Artagnan alors poussa la porte de l'armoire. « Oh mon Dieu !» dit tout bas Katie, « qu'avez-vous ? Et comme vous êtes pâle !» L'abominable créature murmura D'Artagnan. « Silence ! Silence ! Sortez !» dit Katie. Et il attira Katie à lui. Il n'y avait plus moyen de résister, la résistance fait tant de bruit. Aussi Katie céda. C'était un mouvement de vengeance contre Milady. D'Artagnan trouva qu'on avait raison de dire que la vengeance est le plaisir des dieux. Aussi avec un peu de cœur se serait-il contenté de cette nouvelle conquête ? Mais D'Artagnan n'avait que de l'ambition et de l'orgueil. Quant à la cause qui avait manqué faire perdre à Milady son crédit près du cardinal, Ketty n'en savait pas davantage, mais cette fois D'Artagnan se douta qu'il était question des ferrets de diamants. Mais ce qu'il y avait de plus clair dans tout cela, c'est que la haine véritable, la haine profonde, la haine invétérée de Milady lui venait de ce qu'il n'avait pas tué son beau-frère. D'Artagnan retourna le lendemain chez Milady. Elle était de fort méchante humeur. D'Artagnan se douta que c'était le défaut de réponse de M. de Wardes qui l'agaçait ainsi. D'Artagnan sortit ne sachant plus que penser, mais tout en faisant sa cour à Milady, il avait bâti dans son esprit un petit plan. Il trouva Katie à la porte et, comme la veille, il monta chez elle pour avoir des nouvelles. Les choses se passèrent comme la veille. D'Artagnan s'enferma dans son armoire, Milady appela, fit sa toilette, renvoya Katie et referma sa porte. Comme la veille, D'Artagnan ne rentra chez lui qu'à 5 heures du matin. À 11 heures, il vit arriver Katie. Elle tenait à la main un nouveau billet de Milady. Cette fois, la pauvre enfant n'essaya pas même de le disputer à D'Artagnan. Elle le laissa faire. Elle appartenait corps et âme à son beau soldat. D'Artagnan ouvrit le billet et lut ce qui suit. « Voilà la 3e fois que je vous écris pour vous dire que je vous aime. Prenez garde que je ne vous écrive une 4e pour vous dire que je vous déteste. » D'Artagnan prit une plume et écrivit. « Madame, jusqu'ici, j'avais douté que ce fût bien à moi que vos 2 premiers billets eussent été adressés, tant je me croyais indigne d'un pareil honneur. Elle n'a pas besoin de me dire de quelle manière un galant homme peut obtenir son pardon.